Bonsoir, bienvenue à tous. Donc, pour ce deuxième Café Géo de la saison. Nous tenons à vous remercier d'être venus aussi présents. N'hésitez pas non plus à faire de la publicité pour qu'on soit encore plus nombreux les fois prochaines. Donc, nous remercions aussi le Centre Social Pluriel pour le prêt de la salle. Comme à chaque fois, donc, tous les Cafés Géo se dérouleront ici, donc vous connaissez l'adresse. Donc les Cafés Géo sont réalisés grâce à trois associations. Donc il y a l'UBT, l'Université Populaire de Tours. Il y a aussi l'ADSHS, l'Association des Doctorants en Sciences Humaines et Sociales. Et puis Confluence, l'Association des Étudiants de Géographie de l'Université François Rabelais. Donc les Cafés Géo, le concept, ce sont des exposés de 15 à 20 minutes. Donc aujourd'hui, nous avons un intervenant, donc il y aura plusieurs petits exposés entrecoupés de pauses pour que vous puissiez poser vos questions, si vous en avez. Donc sur les tables, vous avez aussi des petits gâteaux et des boissons que l'on retrouve aussi au fond. Ces produits sont bio. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, tout ça est à prix libre, donc servez-vous et puis vous pourrez encore manger à la fin. Donc, nous comptons sur votre générosité pour continuer à venir au Café Géo. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'industrie minière, chance ou malédiction. Donc, au Pérou, des projets miniers engendrent parfois des conflits socio-économiques entre environnementaux. D'accord, je n'ai pas l'habitude. Mais ce n'est pas toujours. Ah, oui, donc. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, quelles sont les relations entre les compagnies minières et la population? C'est ce que nous allons voir avec l'intervenant qui est Bruno Hervé, qui fait partie d'ailleurs de l'équipe des Cafés Géo. Et il est doctorant en anthropologie à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, je passe maintenant la parole à Catherine. Il y a quelques mots à vous dire. Bonsoir à tous. Donc moi je fais partie de l'Université Populaire de Tours. Je vous en dis quelques mots. L'Université Populaire de Tours est créée depuis 10 ans et nous avons à cœur d'organiser des débats pour animer la réflexion culturelle et sur l'actualité à Tours et plus particulièrement au Sanitas. Toutes nos activités cette année seront ici au Centre Social Pluriel, qui nous accueille toujours très bien, et nous en sommes très contents. Et nous avons un des représentants du Centre Social Pluriel ici. Et donc, vous avez à disposition plutôt deux types de programmes, les programmes des Cafés Géo pour toute l'année. C'est en couleur. Et vous avez également à votre disposition un petit programme avec toutes les conférences qui sont organisées cette année en partenariat avec la CIMAD. Donc vous voyez que la dernière fois, le premier Café Géo de cette année était organisé en partenariat avec ATD Carmonde. Cette fois-ci, c'est carte blanche à Bruno qui est de notre équipe et qui fait une thèse, on va en parler. Et donc ensuite, c'est en partenariat avec la CIMAD et ça va impulser donc toute une série de conférences, débats sur le thème migrants et réfugiés, un sujet donc fortement d'actualité. Et nous serons ici, dans cette salle, à 8h30, donc, et ça sera le mercredi. Donc gardez les petits papiers et venez. Alors une information, si jamais vous perdez les petits papiers, vous pouvez retrouver tout l'agenda de toutes les activités que nous avons sur notre site. Notre site, donc, c'est Université Populaire de Tours. Vous tapez ceci sur un moteur de recherche et vous tombez sur notre site. Et là, vous avez donc toutes les informations pratiques et... quelques mots sur Bruno Hervé, à qui on a donné carte blanche, pour sachant qu'il faisait un travail très discret sur sa thèse, mais il ne nous en parlait pas beaucoup, mais nous on avait envie d'en savoir beaucoup plus. Et donc on lui a dit, allez, tu nous présente justement ton sujet de thèse. Et en regardant un petit peu justement son terrain, la mine de Las Bambas, puisqu'en fait il travaille sur un projet d'industrie minière, je me suis rendu compte que la mine de Las Bambas n'était pas lointaine, anecdotique et ne nous concernait pas, puisque le Pérou, c'est vraiment très loin, pas du tout. Las Bambas est tout à fait emblématique de plusieurs éléments. Tout d'abord, la course aux ressources minières depuis 30 ans, et pas uniquement au Pérou, et également dans tous les pays émergents. Et cette course aux ressources minières et aux ressources du sous-sol, même en France, vous avez entendu parler aussi de projets de réouverture de mines, etc. Ou bien aussi sur le plan énergétique, les gaz de schiste, etc. Donc il y a une frénésie comme ceci de ressources du sous-sol. Et également, cette mine est emblématique des politiques de développement dans les pays du Sud et notamment en Amérique latine. Et elle est aussi emblématique des relations pas faciles, parfois bonnes, parfois conflictuelles, avec les populations locales. Voilà. Donc je lui laisse la parole. Il va réagir. On lui posera des questions. Donc on a décidé, donc il y aura trois temps pour qu'il fasse des petits exposés. Ensuite, on lui pose des questions. Hein, vous lui poserez des questions. Et puis ensuite, et on aura, avant la deuxième partie, une petite vidéo justement sur cette mine de Las Bambas pour qu'on visualise un petit peu justement ce qu'il en est. Voilà. Et puis, je te passe tout de suite la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Catherine. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est vrai qu'on m'avait donné carte blanche et j'avoue que c'est pas pour moi la tâche la plus facile, surtout quand on est en tentative de fin de thèse et que les idées se croisent et se chevauchent constamment. Donc voilà, comme l'a dit Catherine, je vais couper ma présentation en trois. Donc on aura l'occasion, si des choses ne sont pas claires ou si vous voulez apporter des commentaires, d'en parler pendant ces pauses. Par rapport au titre, et ensuite je commencerai la présentation, c'est vrai qu'on avait hésité, il y a eu des tergiversations aussi par rapport à quel titre on voulait... Enfin, moi j'ai proposé un titre, j'en ai proposé plusieurs, et ensuite les titres ont été... ajusté, disons. Industrie minière, riverain contre l'intérêt général ou riverain contre l'intérêt général. Non, ou l'intérêt général contre les riverains. Industrie minière, chance ou malédiction. Enfin, de toute façon, ces deux titres, ou ces trois titres, font référence à deux faces, disons, pour schématiser, on va dire, le bien et le mal. On va essayer de... On peut se permettre de rentrer un peu dans la provocation. Donc ça fait partie des deux faces d'une même médaille, disons. En parlant de minéraux, la médaille. Donc je vais présenter un panorama relativement global de l'industrie minière à travers l'exemple du Pérou, comme on vient de le dire, qui est, je ne sais pas si vous le savez, un des plus gros producteurs de minerais au monde. Donc je vais présenter plutôt un panorama contemporain. On ne va pas s'étendre très loin dans le passé, disons. Qui va commencer dans les années 90. Et c'est le moment, disons, du boom de l'industrie minière mondiale. Et c'est le début d'une ouverture, disons, économique qui laisse la place pour cette frénésie. Je pense qu'on reste un peu dans l'objectivité. Quand on parle de frénésie pour les matières premières. Donc dans un premier temps, je vais présenter un panorama de l'extraction minière, en prenant pour exemple le Pérou, et l'importance économique, de façon assez schématique, et les représentations sociales et politiques qu'on peut trouver actuellement au Pérou, également de façon assez générale. Ensuite, je vais présenter le cas du projet minier Las Bambas, qu'a évoqué Catherine, un cas particulier. On entend souvent, notamment en France, je pense, des avis relativement diabolisés par rapport aux entreprises minières. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas m'opposer à cette idée du tout. Mais il faut essayer de rester objectif quand même. Donc dans ce cadre, c'est un cas particulier parce que dans le cadre de Las Bambas, le projet a été accepté par la population locale et les autorités locales. Donc on va voir aussi dans cette deuxième partie quelles ont été les conditions pour cette acceptation et dans quelle mesure aussi on peut parler d'acceptation. Parce que c'est quelque chose qui est assez imprécis étant donné que le projet aborde un ensemble de communautés paysannes, c'est-à-dire de villages paysans, disons, pour simplifier, qui est, enfin, il y en a plus de 30. Donc on verra pourquoi et comment s'est construite, disons, la relation entre l'ensemble de l'aire d'influence et l'entreprise minière. Et plus particulièrement, je vais parler de la cohabitation d'une de ces communautés paysannes où s'est installée l'entreprise minière, puisque le gisement était essentiellement sous cette communauté, et c'est la seule communauté qui, pour l'instant, a été déplacée. Donc elles ont eu une relation très particulière. Pour préciser, hein, les communautés paysannes sont des personnalités juridiques. Donc c'est en gros un territoire partagé par des familles qui est reconnu par l'État et de manière générale sans propriété privée. Donc je vais parler de la relation, disons, de l'entreprise avec son cadre dans une deuxième partie. Et dans la troisième partie, après l'acceptation et ces relations qu'on peut croire idylliques ou bon, plus ou moins acceptées, disons, dans la troisième partie, je vais parler de l'explosion du conflit. Et c'est à travers ce conflit que le monde connaît Las Bambas, parce que il y a eu une énorme médiatisation, il y a eu énormément de production de micro-documentaires comme celui que je vais vous montrer tout à l'heure par des ONG péruviennes, par CCFD Terres Solidaires qui sponsorise, disons, des ONG locales, etc. Commençons par le boom des années 90 assez brièvement. Cette décennie marque le début d'un cycle d'expansion minière, une primarisation des économies des pays en développement, c'est-à-dire l'extraction, l'exploitation et l'exportation de matières premières sans transformation et sans plus-value. On est dans un contexte de forte demande des matières premières et en même temps une hausse du prix de ces matières premières, essentiellement. Donc on va parler des matières premières minérales. Pour lutter contre la pauvreté des pays en développement, notamment, on a l'exemple d'Amérique latine, on a l'exemple de l'Afrique également, des organismes comme la Banque mondiale ont poussé les États à ouvrir leur économie aux capitaux étrangers. Donc le développement des réformes structurelles dans les pays en voie de développement a ouvert les portes à une libéralisation de l'économie, privatisation de l'économie, donc des entreprises, allègement des taxes, stabilité juridique pour les entreprises, mais aussi l'émergence de standards sociaux pour donner une image nouvelle à l'activité minière, plus respectueuse de l'environnement, tout un ensemble de normes, de recommandations pour faciliter l'intégration des capitaux étrangers. La nouvelle donne politique internationale préconisait donc la privatisation des sociétés d'État, la fin des restrictions sur le contrôle des capitaux étrangers, l'abaissement de taxes, et s'impliquer une dilution de l'action de l'État sur son économie et dans sa politique économique, et le renforcement du pouvoir des capitaux étrangers, des entreprises privées. C'est-à-dire que l'État ne contrôle plus les marchés, mais devient plutôt un facilitateur des investissements sur son territoire. Il cède en quelque sorte ses facultés aux entreprises privées, et au Pérou, je ne sais pas, peut-être dans d'autres pays d'Amérique latine, vous utilisez aussi cette expression, on dit, plutôt les personnes qui sont un peu critiques par rapport à l'industrie minière et la façon dont elle est, faite, on dit que l'État a cédé les clés de la maison aux entreprises. C'est un peu l'image qu'il faut, qu'on peut garder, on n'est pas obligé de. Les capitaux étrangers et les entreprises privées qui se sont installées ont permis une amélioration technique dans le secteur minier. Les mines qui étaient auparavant, plutôt avant les années 80, on avait un modèle de mine souterraine. Après les années 90, dans les années 2000, la norme, disons, est passée à des mines beaucoup plus massives, des mines à ciel ouvert, qui font du coup exploser la production, puisque c'est beaucoup plus massif que les simples galeries, font exploser la production et font baisser le prix d'extraction et d'exploitation de manière générale. Les processus d'affinage ont également progressé avec cet apport de capitaux. Et tout ça rend l'activité plus rentable, de façon assez globale, et accélère les investissements dans la recherche de nouveaux gisements ou d'exploitation. Par exemple, des gisements qui n'étaient pas très, très intéressants au regard de la concentration de métaux dans le sous-sol, sont devenus, grâce à la nouvelle technique de mine à ciel ouvert et grâce aux nouvelles techniques d'affinage, elles sont devenues intéressantes et rentables. Donc, une technification accrue par une hausse des moyens et également un changement dans la main-d'œuvre en raison de cette technification qui a changé. Avant, c'était plutôt de la main-d'œuvre locale, non formée, plutôt des paysans, j'en parlerai également un peu plus en avant. Et maintenant, ça passe, disons, à de la main-d'œuvre plutôt diplômée et qui est moins nombreuse. Et cette technification de la main-d'œuvre, c'est ce qui va couper les ponts de la mine avec son environnement local. Elle n'a plus besoin des habitants de son environnement pour pouvoir fonctionner. Au Pérou, dans les années 90, se prennent un ensemble de mesures néolibérales pour relancer l'économie du pays, où l'État cherche également, comme à une échelle plus globale, à promouvoir l'investissement étranger. Et pour le secteur minier, par exemple, il y a un ensemble de décrets pour la promotion de l'investissement dans le secteur minier, des réajustements légaux, notamment la refonte du code minier qui date de 1990, il me semble, le code minier qui régit la fonction que prendra l'activité minière dans la politique, l'économie et également, de façon un peu plus secondaire, dans la société. Également, il y a eu des décrets qui promeuvent et qui garantissent l'investissement étranger. Et il s'agit donc de faciliter la venue d'entreprises privées qui vont venir construire, consommer, payer sur le territoire péruvien avec plutôt une logique d'urgence et pour l'État péruvien et d'amassage de cash. L'établissement de mécanismes juridiques donc orientés à générer une plus grande sécurité pour l'exploitation minière, des facilités pour l'importation d'équipements, des rabaissements d'impôts, le Pérou devient très attractif, comme d'autres pays d'Amérique latine, dans cette orientation néolibérale. Donc, pour montrer un peu de façon schématique cette accélération de l'investissement entre 90 et 97, 1990 et 1997, l'investissement pour l'exploitation de nouveaux gisements augmente de 90% dans le monde. Un boom. Mais elle augmente de 400% en Amérique latine. À côté de cette relance minière, notamment par l'élaboration du nouveau code minier, ce sont les responsables mêmes du secteur qui prennent l'initiative d'instaurer des normes environnementales. Mais cette décision de s'auto-gérer, disons, pour, en ce qui concerne les mesures environnementales, de s'auto-réguler, est plutôt une technique pour ne pas laisser que des organismes d'État, disons, gèrent cette question de l'environnement. Donc c'était surtout pour ne pas passer par les moyens politiques nationaux de réglementation, qui pourraient donc être plus restrictifs et plus stricts. Parallèlement au secteur minier, au Pérou, c'est aussi la maturation d'une conscientisation sociale et politique environnementale, où un ensemble d'organismes publics, de commissions, de normes sont développés par rapport à l'environnement. Et c'est aussi dans ces années-là, il y a une grande vague environnementaliste, les années 2000-80, et depuis avant 90 aussi, enfin 90-2000 et avant 90, qu'apparaissent en Amérique latine des organisations indigènes, des organisations de lutte contre l'industrie minière également. Une des plus connues au Pérou actuellement est la CONACAMI, qui est la Confédération nationale de communautés affectées par l'activité minière, qui intervient notamment auprès des communautés dans les zones minières pour sensibiliser ou pour apporter des soutiens juridiques aux communautés qui sont affectées par les entreprises. On voit que deux phénomènes très certainement corrélés se développent. Le libéralisme économique et le modèle économique extractiviste, d'un côté, l'exploitation des ressources naturelles, l'exportation primaire, et d'un autre côté, des mouvements sociaux liés à une sensibilité environnementale, et qui va également au-delà du simple environnementalisme. Enfin, il y a aussi des revendications qui vont au-delà de l'environnement, qui sont beaucoup plus liées à des relations sociales, à la citoyenneté, etc. C'est une époque d'émergence de discours critiques sur l'idée du développement comme un unique modèle de société et sur les moteurs de ce document qui est de plus en plus perçu comme prédateur. L'extractivisme est un terme qui date de cette époque, qui est apparu en Amérique latine d'ailleurs, et qui désigne de manière générale l'exploitation des ressources naturelles, renouvelables ou non, donc également végétales, mais il désigne une idée de non-durabilité et de non-soutenabilité. L'extractivisme fait référence donc aux mines, aux plantations, enfin au milieu végétal, mais également aux animaux. On le voit notamment avec la pêche. Une autre notion liée au courant critique du développement était, par exemple, l'idée de la théorie de la malédiction de l'abondance, qui est l'idée que l'exploitation des matières premières entraîne toute une sorte de maux à la société, des conflits, des guerres civiles, la corruption, de la pauvreté accrue, l'extraction minière accroît la pauvreté, et l'instabilité politique. Tout un ensemble de mots sur différentes échelles, disons, d'une société. Dans les années 2000, au-delà de l'environnement, l'autorégulation des entreprises minières par les propres responsables du secteur s'est avérée être une bonne stratégie pour les entreprises les entreprises ont vu qu'un ensemble de pays en développement leur faisait entre guillemets les yeux doux et qu'elles pouvaient se permettre de proposer des contrôles elles-mêmes. Donc il y a eu des initiatives qui ont été lancées pour une meilleure régulation, pour avoir moins d'impact environnementaux, et pour une meilleure intégration aussi des entreprises dans leur environnement local, par rapport aux populations locales. C'est-à-dire qu'il y avait une envie de sortir du cadre du projet minier de la part des responsables, des grands patrons des entreprises. Il y avait une envie, disons, de sortir de la simple extraction et un besoin également de prendre davantage en compte et de s'impliquer davantage auprès des populations locales, de les intégrer d'une part, et intelligemment dans des programmes de production qui s'adaptent du coup à l'échelle locale, de la production agricole notamment, pour les populations voisines. Donc il s'agissait de mieux s'insérer dans le milieu local, qui était, pour parler rapidement, de plus en plus bruyant également, qui avait de plus en plus de revendications. Il y a notamment des associations entre les 9 plus grandes entreprises minières du monde qui se sont associées dans les années 2000, qui ont fait des campagnes en Amérique du Nord, en Océanie, en Amérique du Sud, en Europe, pour lancer des réflexions, des problématiques autour de... pour trouver des nouvelles stratégies, disons, pour le développement durable et pour créer une image de nouvelles mines durables, pour créer une image moderne de la mine. Plus récemment, il y a aussi des organisations sociales, des ONG, des gouvernements qui ont lancé des initiatives pour promouvoir la transparence dans le secteur par rapport aux finances qui sont constamment qualifiées comme opaques, notamment les cas les plus connus sont très certainement en Afrique, où il y a énormément de conflits, mais des conflits armés. Donc l'initiative AIT, pour Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a été promue par exemple par le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Et du côté des ONG, il y a eu des campagnes, des initiatives, par exemple, il y en a une qui s'appelle « Publiez ce que vous payez ». Donc le titre parle de lui-même, disons, une exigence accrue pour la transparence de toutes les activités, extraction, mais aussi finance, et aussi la façon de s'intégrer à l'environnement local des entreprises extractives. Donc il y a eu entre un consensus moral, mais également des stratégies sur mon marketing pour pouvoir montrer un nouveau visage de l'industrie minière et de se montrer, disons, comme un secteur un peu plus responsable par rapport aux pays, aux financeurs, etc. Cette sorte de conscientisation du secteur minier aboutit dans l'émergence de politiques également de responsabilité sociale d'entreprise, comme des sortes de préconisations de politiques pour que l'ensemble du secteur soit plus respectueux. Diffusion d'informations à l'échelle locale, participation plus active de la population locale dans l'aire d'influence, qui parfois peut englober des zones très larges, au-delà de la simple présence physique d'une mine, c'est-à-dire du campement et des mines, c'est-à-dire des mines à ciel ouvert qu'il peut y avoir. Et j'évoquerai tout à l'heure comment peut se traduire sur le terrain cette responsabilité sociale d'entreprise. Donc il y a, dans les années 90, un tournant, non seulement dans l'économie, mais aussi dans les représentations et dans le fonctionnement de l'activité minière, avec le lancement d'initiatives, et notamment des initiatives venant, encore une fois, du secteur même, pour le milieu de l'environnement, mais également le secteur minier montré à partir des années 90-2000, un nouveau visage, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moderne, propre, efficient, par rapport à une industrie minière à l'ancienne, sale, obsolète, beaucoup plus manuel et avec moins de normes pour un contrôle environnemental. Les mines souterraines étaient le modèle dominant, donc, comme je l'ai dit. Et dans l'ancien système minier, les employés étaient plutôt paysans mineurs, relativement mal payés, mais gardaient justement les activités agricoles pour que... Enfin, ils liaient les deux activités, l'activité agricole et l'activité minière. Et les mines, du coup, en intégrant cette population paysanne, étaient plus intégrées dans les circuits sociaux, économiques, en nécessitant cette main-d'œuvre qui n'était pas chère. Et cette main-d'œuvre qui était aussi... Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors. On va aller un peu plus vite. Concrètement. Je vais vous parler un peu plus concrètement. Je vais vous montrer quelques chiffres pour que vous ayez une petite idée. Aujourd'hui, l'industrie minière au Pérou, qu'est-ce que ça représente ? Donc, comme je l'ai dit, le Pérou est le cinquième plus gros producteur de minerais, derrière la Chine, l'Australie, le Chili, la Russie. Deuxième producteur de cuivre, troisième producteur mondial d'étain, sixième producteur d'or. Et les investissements en cours dans les années autour des années 2015. Pour le lancement de projets ou pour leur agrandissement, est de plus de 40 milliards d'euros. Et voilà à peu près comment ils se répartissent. Un quart de ces investissements viennent de capitaux chinois. Un quart, on va dire, de la Suisse et des États-Unis. Un autre quart du Canada et du Royaume-Uni. Et ensuite, l'Australie, le Mexique et le Pérou, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'agit essentiellement au niveau des gains économiques, des bénéfices pour le Pérou, il s'agit essentiellement des gains qui viennent d'exportation. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de cash, je parlais de création de devises. Et l'activité minière joue également énormément dans la croissance économique. Mais ces impacts dans la création d'emplois, ou dans les bénéfices économiques des régions et des provinces, c'est-à-dire à l'échelle locale, sont encore énormément questionnés, questionnables et questionnés. Maintenant, un autre graphique sur les exportations. On dit qu'au-delà de 40% des exportations. Quand une activité joue dans plus de 40% des exportations, on peut dire que l'économie du pays dépend de ce secteur. Donc on peut voir qu'il y a, sans forcément parler de malédiction de l'abondance, une énorme dépendance de l'économie péruvienne par rapport à l'industrie minière. Et voilà également pour rentrer dans ce cercle de précision et pour vous montrer un peu plus concrètement comment se montre l'industrie minière au Pérou, voilà les concessions minières du Pérou qui sont une carte de 2016 d'une ONG qui s'appelle Cooperaction. Les concessions varient selon les années, selon les cours aussi des métaux. Il y a moins de 5 ans, 21% du territoire péruvien était sous concession, et le chiffre est en constante fluctuation. Donc on parle de concession, on ne parle pas forcément de projet minier. Les concessions donnent plutôt une idée de l'imposante présence invisible et de l'étendue, disons, de la manne minière. Et donc voilà, comme je vous disais, ça augmente selon les cours des métaux et ça baisse également selon les cours des métaux. Les concessions minières sont aussi utilisées par les ONG et les mouvements sociaux environnementaux pour dénoncer l'emprise minière. L'emprise minière sur le territoire péruvien, ou plutôt sous le territoire, et aussi de manière secondaire, pour dénoncer les accords souterrains entre l'État et les moyennes ou les grandes compagnies minières. Dans la plupart des cas, comme dans beaucoup d'autres pays, les victimes, je mets des guillemets parce que ce sont des victimes ou ce sont des personnes affectées, chacun choisit le terme qu'il veut. Pour aller vite, je parle de victimes. Les victimes de ces projets apprennent que leur sous-sol est concessionné au dernier moment. Donc souvent, c'est une fois que l'entreprise ou que l'État vient parler avec les communautés qu'elles apprennent que leur sous-sol a été concessionné. Voilà pour le Pérou. Voilà pour la région d'Apurímac, où se trouve le projet Las Bambas. Et vous pouvez voir la province que nous allons voir plus en détail. C'est Cotabambas, qui est à droite, et que voici. Attendez. Voilà. Voilà les concessions pour Cotabambas. La concession du projet Las Bambas, c'est cette partie-là. Qui empiète également sur la province de Grau, un projet qui s'étend sur 35 000 hectares. C'est une richesse, peut-être, mais qui provoque énormément de conflits. Le manque de communication de l'État avec les populations locales et rurales est souvent décrit comme une source de conflits. Les conflits au Pérou sont les conflits sociaux. On ne parle pas ici de conflits armés. On fait la pause, on te pose des questions. Ah oui, oui. Les conflits, on verra peut-être. Ok. On avait dit qu'on posait des questions. Oui. Bon. Donc, je me permets, j'ai un mauvais rôle, ça fait partie du jeu pour les cafés Géo, justement, pour que vous puissiez poser des questions, intervenir, et puis relancer, puisque justement sur les conflits, enfin, vous avez déjà peut-être des questions à poser sur ce qui vient d'être exposé, et puis aussi peut-être quelques images à... Non, je ne montre pas. Bon, voilà. Hein. Donc, c'était entre nous. Hein. Bruno était d'accord. Il m'a dit de l'arrêter. Hein, parce qu'il se connaît et il sait qu'il va partir et qu'il a plein de choses à lui dire. Hein. Donc, ne soyez pas choqués. Ça fait partie de la réclusion pour ce soir. Donc, avez-vous des questions sur déjà ce qui a été dit, puis après, on va reprendre et Bruno complétera. Voilà. Oui. Oui, moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des chercheurs comme toi qui sont requis pour défendre justement la légitimité de l'extraction et payé par le mine justement pour ça? Est-ce qu'il y a de l'enfumage qui peut avoir lieu, du greenwashing qui peut avoir lieu par ce biais? Et j'aurais une seconde question, c'est il y a donc beaucoup d'investissements, il y a du cash, comme tu dis. Est-ce que ce cash, il est réinvesti par l'État dans la transformation du produit? Ou bien est-ce que c'est uniquement de la prédation pure? Et enfin, est-ce qu'il y a soit de la part des entreprises, soit lié à des revendications, de la formation de populations locales pour accéder à ces emplois diplômés qui leur échappent? Je réponds tout de suite. Oui. Par rapport à l'anthropologue mineur, dans un terrain miné, dans un terrain minier, j'en parlerai tout à l'heure, soit, quand on est anthropologue, c'est très particulier, parce que soit on est dans la mine, soit on travaille dans la mine, soit enfin, il n'y a pas d'autre anthropologue légitime, si vous voulez, pour une mine. Soit on travaille pour la mine, soit, si on n'est pas pour la mine, on travaille pour une ONG. C'est comme ça qu'on voit l'anthropologue sur le terrain. Donc c'est très particulier comme position, et les gens ne comprennent pas, et l'entreprise encore moins, qu'on puisse être anthropologue et qu'on ne soit payé par aucune entreprise et aucun État. On est souvent pris pour des infiltrés, pour aller vite. La deuxième question, par rapport à la transformation du produit, je crois que c'est 95% du minerai est envoyé. Enfin, c'est de la matière première. Il n'y a pas du tout de transformation. Transformation, enfin, il n'y a pas du tout de valeur ajoutée, par exemple, construction, enfin, fabrication de bijoux ou le métal, disons, n'est pas envoyé sous forme de produits mécaniques ou de bijoux. Donc c'est essentiellement de la pierre ou de la... c'est pas de la pierre, mais c'est de la matière brute. Par rapport aux formations, aux emplois, les entreprises essayent d'arriver justement avec ce discours de l'attribution d'emplois. Non, par rapport aux formations. Les entreprises, oui, arrivent avec ce discours de proposer du travail assez bien rémunéré et peu qualifié, ou des formations également. Ça fait partie de la responsabilité d'entreprise, mais ça fait partie également, peut-être que vous allez me prendre pour un anti-minier, mais je pense que ça fait partie aussi de stratégies de communication, enfin d'acceptation avec la population locale. Donc oui, il y a des formations, des formations à des emplois, mais c'est pas vraiment pour des emplois qualifiés. C'est plutôt des petites formations. Je voudrais poser une question qui va pas vous concerner, le film hier soir, qui est tombé à la Luna. Est-ce que le sous-sol de cette région du Pérou est concessionné, ou est-ce qu'on a découvert la richesse du sous-sol quand une mine ouvre, c'est parce que le sous-sol est concessionné. J'ai pas expliqué. Les grandes communautés autochtones ne sont pas en fait propriétaires de la terre. Les propriétés autochtones sont propriétaires de la terre, mais ne sont pas propriétaires du sous-sol. C'est toute la... Tout le nœud des conflits, disons. Et c'est aussi cette non-communication qui énerve énormément de plus en plus les populations autochtones, comme vous dites, ou les populations paysannes. C'est cette non-information des concessions auprès des populations locales, où, enfin voilà, les personnes savent... ne savent très souvent pas que leur ou ne sont pas conscientes, disons, qu'il peut y avoir un système de concession. Mais qui crée ce système de concession? C'est l'État. C'est l'État. Oui, c'est la loi, enfin c'est le droit, il me semble, c'est la loi, c'est le comme en France aussi on a ce système de concession. C'est-à-dire que le sol nous appartient en tant que propriété privée. Et le sous-sol appartient à l'État. Peut-être que les transactions ne sont pas faites de la même façon, la communication n'est pas la même, et la richesse n'est pas du tout la même. Et peut-être que si il y a des, je dis n'importe quoi, mais s'il y a des diamants sous la défense, peut-être que ça ne sera pas du tout rentable ou envisageable. Sauf que là, on parle de population paysanne, fragile. Souvent, on diminue le sens symbolique, disons, de la terre qu'elles occupent, ou on néglige totalement les richesses végétales. Enfin, l'État a cette stratégie aussi de dire que les terres d'altitude, disons, sont des terres mortes. C'est un argument très facile, surtout pour les gens de la ville. Des terres là on parle d'un projet qui est au-dessus des 3500, entre 3500 et 4600 mètres d'altitude. Donc les gens se disent ça sert à rien, donc autant faire un projet minier et les gens vont gagner de l'argent. Et c'est des arguments très faciles qui marchent énormément dans tous les pays d'Amérique latine. Et quel type de pollution? La pollution de l'eau. Pollution de l'eau, après je ne suis pas, je ne connais pas trop, mais pollution de l'eau, il y a eu des problèmes de mort d'animaux ou de déformation d'animaux. Après il y a aussi des problèmes qui sont avérés et il y a des problèmes aussi qui sont supposés. Parce que si on a moins de production, on ne peut pas savoir si c'est exactement d'une entreprise ou à cause de l'eau polluée, ou si c'est simplement parce qu'il y a moins de production. Mais il y a une pollution, et je vais sûrement en parler tout à l'heure, une pollution à laquelle on ne pense jamais, et qui a l'air complètement presque stupide, et qui est pourtant la première pollution à laquelle sont confrontées les populations, c'est la poussière. On ne se rend pas compte de l'insupportabilité de la poussière. Parce que voilà, on est dans des communautés paysannes, dans des villages, qui sont c'est des chemins de terre, que les entreprises se chargent d'entretenir et d'agrandir constamment pour pouvoir acheminer tout leur matériel, etc. Donc ça aussi, c'est un argument... de l'argument du développement des zones rurales grâce aux routes, etc. Donc la poussière, quand on a 100 camions qui passent en une journée dans un village où il y a disons 20 maisons, c'est quand même impressionnant. Les entreprises le savent, mais leur façon de régler le problème, disons, c'est de dire OK, on va envoyer deux camions citernes pour passer sur la route et arroser. Mais voilà, il y a aussi les vibrations dues aux camions qui pèsent, c'est des 35 tonnes, c'est des camions énormes. Donc il y a toutes ces petites pollutions auxquelles on ne pense jamais et qui sont... sûrement les plus insupportables et comme je disais, les premières. Ce qu'on voyait hier dans le film, c'est aussi que les concessions, elles peuvent durer mettons 20 ans, et on voyait les mines abandonnées. Et là, énormément de poussière, justement, parce qu'une fois que la mine a fini d'être exploitée, eh bien, tout est laissé en l'état. Et donc là, justement, il y a énormément... Là encore, un peu de poussière, vous voyez très bien ça dans ce film, et les gens en souffraient, et aussi bien ces poussières qui vont sur les terres qui sont cultivées. Sur les terres cultivées. Oui, la terre est saccagée, empoisonnée, et les cultures, par exemple, Je vais aussi essayer d'aller vite, peut-être. Concrètement, moi, j'ai pas commencé ma thèse en me disant que j'allais travailler sur des mines. Donc je ne suis pas tombé sur la thématique des mines par militantisme ou par conviction. Je travaillais sur... Enfin, bref. Mais je suis rentré sur le terrain en discutant avec des ONG. Je cherchais une autre thématique, une thématique un peu plus ethnologique sur la reconstruction identitaire, c'est-à-dire la façon de reconstruire des discours autour de l'identité, notamment après des guerres ou par exemple dans le cadre de promotion touristique, disons, de certains lieux. J'étais arrivé dans ce cadre-là, je suis arrivé à côté de Fuerabamba grâce à une ONG, du coup Cooperaction, qui est une des plus actives au Pérou, où on m'avait dit qu'il y avait un village qui allait être déplacé, et du coup ça allait peut-être m'intéresser, puisque ça allait montrer très certainement une reconstruction, disons, identitaire. Et il faut savoir que Fuerabamba, c'est un terrain miné, dans le sens où c'est une communauté qui est fermée. C'est une communauté qui est fermée, où les ONG ne rentraient pas. Et moi, en fait, j'ai commencé à connaître des gens autour de Fuerabamba. J'étais pas à Fuerabamba. J'étais juste à côté. Et je faisais de la plonge à côté de mes observations. J'attendais un peu de voir comment ça allait se passer sur le terrain pour pouvoir un jour aller à Fuerabamba et parler avec les dirigeants de la communauté. Et c'est à travers des gens que j'ai croisés, des gens qui donnaient des formations pour les gens de Fuerabamba, que j'ai croisés en faisant la plonge dans un restaurant, qui m'ont fait venir à leurs ateliers, et c'est à travers eux que j'ai été connu. Donc j'ai été connu avant comme un jeune ami de prof, plutôt que comme un anthropologue. Parce que anthropologue, c'est vraiment une profession minée en terrain minier. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas, dangereux, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça peut faire peur. Est-ce qu'il y a eu la barrière de la langue ? Vous parlez quechua, espagnol ? Ils parlent beaucoup quechua, mais il y a énormément de gens qui ont regagné leur communauté, sachant qu'un projet minier allait s'installer. Du coup, non, il n'y a pas de souci. Et puis, je connais quelques rudiments de quechua. Bon. Je vais essayer de continuer. Vous avez une question ? Oui. Vous avez parlé de l'action menée par les instruments d'entreprise pour améliorer la situation. Oui. Non. Non, c'était en général, c'était une... Ok. Alors pour le tonnage, pour le cuivre, je pourrais pas vous dire exactement combien exporte le Pérou. Pour la production juste du projet Las Bambas, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, que c'est 500 millions de tonnes. Pardon ? Il me semble. Oui. 500 millions, ça fait ça. C'est le deuxième, alors c'est peut-être moins. 500 000 peut-être. Non, la production mondiale de cuivre, ça doit être pas loin de 2 milliards de tonnes annuelles. Oui, donc c'est peut-être. Les trois premiers producteurs mondiaux produisent 50% du cuivre. Combien ? Les trois plus gros producteurs de cuivre mondiaux produisent 50% du cuivre. C'est le Chili, la Chine et le Pérou. Ouais. Ah, le Chili, ils sont. Ouais. Ah, la Bolivie, non. Elle n'est pas dans les rangs, je pense. surtout par rapport au cuivre. Et le Chili, Chine et Pérou pour le cuivre. Et le Pérou, le Pérou exporte du cuivre, de l'or, de l'argent, du zinc et de l'étain. En essentiellement. La Chine, oui. La Chine exporte, enfin, la Chine produit énormément de cuivre, mais je pense qu'elle le garde pour elle. Parce que c'est elle qui achète au Chili, au Pérou. Et ils sont beaucoup, hein. Ah! Non. Mais je sais qu'il y a. Enfin, la Zambie, la RDC, du coup, ont été très, très connus pour les problèmes des conflits armés autour des mines. Mais la production actuellement. Pardon? Ok. Mais. Ok. Ok. Bah, je savais pas. D'accord. Par rapport aux 9 entreprises. Je pourrais pas vous dire concrètement, mais en gros, c'est des. C'est des projets, Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 9 plus grandes entreprises, c'est le projet mine, minerai et développement soutenable qui a été lancé dans les années 2000 par le Comité économique mondial pour le développement. Et c'était une série de projets. Du coup lancé par ce noyau de 9 entreprises, de 9 plus grandes entreprises du monde qui essayent d'influencer le secteur d'une façon positive pour le développement durable. Le développement durable, après, je pense qu'au niveau mondial, ça peut prendre des formes très très diverses selon les entreprises et selon les pays où ils s'appliquent. Enfin, c'est assez vague, mais je pense que c'est un travail énorme que d'expliquer, je pense, comment s'appliquerait le développement durable localement. Alors. Donc je parlais tout à l'heure des conflits sociaux. Il y a un organisme d'État qui est autonome, qui s'appelle le Défenseur des droits, qui s'occupe de veiller, disons, à qui fait le comptage des conflits sociaux, notamment les conflits sociaux qui sont liés aux problèmes socio-environnementaux, donc essentiellement aux problèmes avec les mines. On définit le conflit social, enfin cette entité définit le conflit social comme un processus complexe dans lequel des secteurs de la société, de l'État ou des entreprises perçoivent que leurs objectifs, leurs intérêts, leurs valeurs ou leurs besoins sont contradictoires. La définition est très large, mais elle permet d'englober tout un ensemble de processus, de relations conflictuelles, de modalités et d'acteurs. Mais la plupart du temps, c'est l'État qui est interpellé. Dans le cadre spécifique des projets miniers et de tout leur environnement, on distingue les conflits d'opposition, où bon, c'est des typologies, donc c'est jamais très, très précis, des fois les situations changent, hein. Mais donc conflits d'opposition où les populations locales, les autorités locales s'opposent fermement à l'entreprise, à son installation ou au renouvellement, disons, du bail. Et la deuxième typologie de conflits, c'est les conflits de cohabitation. Et c'est notamment le cas à Las Bambas, où l'entreprise est déjà installée, commence la production, parce que la production n'a commencé qu'en 2015 pour le projet Las Bambas, et l'explosion du conflit est apparue une fois qu'a commencé l'exploitation. Donc c'est un conflit de cohabitation. Et par exemple, à Las Bambas, on va voir qu'il y a un ensemble de facteurs historiques, politiques, qui permettent de voir le conflit sous un regard nouveau, de l'expliquer, peut-être pas, mais de l'interpréter, éventuellement. Donc les conflits prennent des formes très différentes. Certaines communautés voisines au projet minier vont bloquer des routes, ou même le projet, c'est-à-dire se mettre en face du campement et empêcher la circulation, donc bloquer la progression du projet. C'est des blocages qui peuvent coûter extrêmement cher. On parle pour des projets d'ampleur mondiale d'environ 20 millions de dollars par semaine pour le manque à gagner. S'il s'agit d'un mécontentement de commerçants, par exemple, autour d'un projet minier, parce qu'il y a du coup énormément de commerce qui se produit dans les villes qui sont à côté des projets miniers, des hôtels, des restaurants, etc., ce sera plutôt un arrêt d'activité. Et les lieux de lutte sont aussi très variables, autour d'un lac d'altitude, comme on a vu dans le film d'hier. Des marches pour l'eau, par exemple, pour empêcher une entreprise de s'accaparer de cette ressource, de l'eau. Ou autour d'un campement minier pour protester contre l'entreprise dans la montagne. Donc, comme je vous dis, à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais il y a également les conflits en milieu urbain pour interpeller les autorités, dans les capitales de région, par exemple, ou des conflits beaucoup plus visibles. Enfin, dans ce cadre-là, on ne parle plus de conflits, mais ça fait partie du conflit. Mais ce sont les manifestations qui sont beaucoup plus visibles dans la capitale, à Lima. Beaucoup plus de visibilité et... d'autres moyens d'interpellation, disons, par exemple des grèves de la faim, afin que les requêtes, disons, soient mises en agenda. Les causes sont diverses. Intrusions, par exemple, il y a eu des conflits pour des intrusions d'entreprises sur les territoires sans information préalable, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux concessions minières. Il y a eu un énorme conflit au Pérou en 2009 qui s'appelle Bagua, qui a fait un peu jurisprudence parce que c'est le gros conflit, celui qui a marqué, disons, les esprits et l'histoire politique contemporaine, disons, par rapport aux conflits socio-environnementaux au Pérou. Il y a aussi des conflits pour pollution probable ou avérée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des questions de mort d'animaux, etc., avec la question de la poussière. Mais il y a aussi les conflits justement en relation de la redistribution des fonds économiques, parce que l'État redistribue 50% des bénéfices des taxes aux autorités locales, qui notamment sont chargées, je crois que c'est la province qui est chargée, ou la région, de le distribuer pour les universités. Donc il y a parfois des conflits de redistribution, soit parce que, surtout parce que la redistribution peut être considérée comme injuste. La région prend plus que la province, ou une province a plus d'allocations qu'une autre, etc. Ou également, les conflits se produisent lorsque les entreprises n'ont pas honoré leurs promesses. Elles arrivent avec énormément de promesses, elles laissent énormément d'espoir pour les personnes, même les plus sceptiques, qui espèrent quand même du travail, des bourses pour les enfants, des compensations, etc. Donc, au bout de 10 ans de cohabitation, quand l'entreprise n'a pas respecté les contrats, certains contrats qui n'ont pas été signés à son installation, des conflits se produisent. Donc, ce que peuvent nous révéler ces conflits, c'est le besoin de la population locale à être informée, à être consultée, et même si ce n'est pas une obligation légale, disons. Au bout d'un moment, l'État, je pense qu'il devra se rendre compte que même si il n'en a pas l'obligation légale, il en sera obligé d'y mettre un peu plus du sien pour informer, pour consulter les populations locales. Il y a aussi la volonté de ces populations de participer davantage dans les projets qui sont proposés à la population locale par les mines. Et on sait de plus en plus combien gagnent les entreprises, quels sont leurs bénéfices, vu qu'on parlait tout à l'heure de transparence par rapport aux transactions financières. Il y a toujours des échos également, des échos plus ou moins vrais. Parfois aussi on spécule sur ce que pourrait gagner l'entreprise, mais on sait de toute façon qu'elle gagne énormément d'argent. Et demander de l'argent, parfois peut-être à outrance, peut être aussi vu comme une stratégie soit de résistance, soit de lutte. Parce que c'est vrai que les personnes locales, quand elles apprennent que l'entreprise gagne tant, elles ne se gênent pas pour mettre, par exemple... Enfin, il y a une inflation de toute façon, mais lorsqu'il y a un accident, quand une entreprise écrase un animal, par exemple, il faut qu'elle compense. Donc ces compensations vont quadrupler ou quintupler le prix, par exemple, d'un cheval qui est écrasé, alors qu'il coûtait, 100 euros à la base, avant que l'entreprise arrive, et il coûtera peut-être 1000 euros quand il est payé par l'entreprise. Et les élections sont aussi un bon écran pour les luttes. Donc l'État n'a pas encore su élaborer de mesures pour anticiper ou modifier les conflits. Par exemple, une meilleure communication avec les parties prenantes locales. Le plus souvent, il intervient par la force, puis une fois que cette force est exercée, un dialogue est entamé, mais a posteriori. On sait que le conflit est inhérent à la vie sociale, mais il y a des désaccords, je pense, qui semblent évitables et qui peuvent mener à des compromis plus ou moins avantageux pour chacun des parties prenantes. On le verra notamment un peu plus loin. Pour finir avec cette question des conflits, un des conflits d'intérêts, par exemple, qui s'est récemment modifié, est que depuis les années 90, l'entité qui certifiait les études d'impact environnemental, c'est-à-dire le document qui atteste de la faisabilité technique, la rentabilité et qui évalue aussi les possibles impacts environnementaux. Donc l'entité qui certifie ces études d'impact environnemental était un organisme qui dépendait du ministère des Énergies et des Mines. Et c'est qu'en 2015, après moult conflits ultra-médiatisés et d'autres conflits un peu moins médiatisés, que cela a changé et que c'est maintenant le ministère, enfin une branche du ministère de l'Environnement qui valide ces études d'impact environnemental. Un constat, interprétation, la distribution, on voit une distribution injuste des risques environnementaux, puisqu'on parle essentiellement de zones rurales. Ça c'est Martinez Alier, je crois qu'il le dit. Anna Bednik parle de zone de sacrifice. Je crois qu'on n'exagère pas quand on parle ainsi. C'est un peu vrai. Une campagne anti-minière qui avait été faite au Pérou il y a quelques années, notamment par plusieurs ONG anti-minières, avait fait une image, un photomontage d'un puits minier dans une zone résidentielle exclusive de Lima pour essayer de susciter un peu l'intérêt des populations urbaines de la ville et de la capitale qui très souvent ne voient pas ou n'ont rien à faire de ces problèmes essentiellement considérés comme ruraux. On en vient à la représentation nationale autour de l'industrie minière. D'une part, il y a le discours de régimes autoritaires pour lesquels les ressources naturelles représentent une force, comme pendant la guerre froide. Au Pérou, dans les années 70, le gouvernement était autoritaire et nationaliste et avait construit l'image de l'industrie minière péruvienne comme un bien d'intérêt général. C'était lui qui détenait les principales mines du pays. Une image qui, avec la privatisation de l'industrie minière dans les années 90, a glissé en faveur des nouvelles transnationales minières et un discours hégémonique, prominier, a commencé à dominer, disons, dans la sphère publique. En Argentine, un peu pareil. Après la crise des années 2001, une énorme crise économique, l'image de l'industrie minière a été construite par l'État et par les médias comme le secteur minier de façon... de façon à paraître comme un espoir dans l'économie du pays. Le discours des entreprises du secteur devient le discours hégémonique, d'une certaine façon, pour une utopie du développement. Là, on a une publicité qui nous vient du Chili, les champions du cuivre. Pour mener un pays de l'avant, il ne suffit pas d'y croire, il faut savoir le faire. Donc on voit dans ce langage, qu'il soit oral, qu'il soit médiatique, qu'il soit entrepreneurial ou dans la publicité, qu'il y a une espèce d'allégorie de la puissance, de l'immensité, des images d'inhumanité presque. Une énorme fascination pour la technicité, disons, des œuvres minières. Il y a aussi pour la photo, je ne sais pas si on le voit très bien. Ça, c'est la photo de bannière du ministère des Énergies et des Mines du Pérou. Donc, pareil, c'est une image assez banale de machines, de technologies, mais qui, comme l'image précédente, sont exactement le symbole de la lutte de lutte anti-minière. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas changer les photos et les montrer comme ça. Et il y a deux façons d'interpréter les choses. D'une part, la propreté, la précision, la façon incroyable dont l'homme peut produire ses infrastructures de terre. Et de l'autre, enfin, on peut interpréter ça aussi comme une énorme pollution, une dévastation. Au regard de ce qu'on vient de dire, on pourrait se demander si l'industrie minière n'a pas encore, peut-être dans certains endroits, une sorte de pouvoir religieux construit par différents processus politiques pour apparaître non plus comme une option économique, mais comme une obligation pour les États, ou mieux comme une salvation économique, sociale, politique. Une salvation qui apparaît et qui est promue, notamment en temps de crise. C'est pour ça que je parle de pouvoir presque religieux, parce qu'en temps de crise, la religion tend à prendre un peu plus. Les réflexions autour de l'industrie minière et les enjeux qu'elle met en lumière ont instauré une division entre différents secteurs de la société au Pérou. J'en parlais tout à l'heure. La création de deux catégories, pro-minier et anti-minier, comme si tout le monde était soit complètement favorable, soit totalement opposé. Et cette opposition drastique fait apparaître aujourd'hui n'importe quelle personne qui soit critique vis-à-vis de l'industrie minière comme une personne opposée à l'industrie minière et au développement. notamment en contexte minier. Il n'y a pas de demi-mesure. Et comme l'industrie minière est le fleuron de l'économie nationale et du secteur politique médiatique, la critique de l'activité minière est considérée comme une opposition au développement du pays. Et les opposants ou les personnes critiques apparaissent comme des antipatriotes. Cet antipatriotisme est d'autant plus fort lorsque les personnes critiques ou opposées au projet minier sont d'origine rurale. Et comme on l'a vu avec la publicité celle-ci, le patriotisme fait partie de la publicité dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Par exemple, le discours du président il y a quelques années, je crois que c'était Alan Garcia, il disait « Ce ne sont pas 400 000 Indiens qui vont empêcher le bonheur du pays ou le pays de se développer. » Il y a aussi le discours du chien du maraîcher. Le chien du maraîcher ou le chien du jardinier, c'est un discours très très très connu au Pérou qui veut dire la chose suivante. Un chien qui garde un jardin, il ne va pas manger les produits du jardin, mais il est là pour sauvegarder ce jardin, donc il ne mange pas, mais il ne laisse pas les autres l'aborder et manger. Et c'est avec cette métaphore que le président, je crois que c'était aussi Alan Garcia, avait comparé les Indiens ou les paysans qui s'opposaient à l'industrie minière, c'est-à-dire ils ne produisaient pas, ils n'exploitaient pas, mais ils ne laissaient pas non plus les autres, c'est-à-dire l'État ou les entreprises minières, mais favorisées par l'État, l'exploiter. Donc c'est ainsi que se construit l'idée que les populations paysannes ou indigènes souhaitent rester dans la pauvreté, dans le retard, et empêchent le pays de suivre son développement. En Équateur, le président Correa, qui est pourtant progressiste, plus ou moins, avait parlé aussi des luttes des personnes des écologistes, ou de certaines luttes écologistes, comme d'enfants capricieux. Donc voilà, il y a un ensemble de discours politiques de l'État qui présente ainsi une opposition fictive entre patriotes pro-mines et non-patriotes contre les mines, qui se traduisent en fait dans une forme de catégorisation implicite de citoyens. Ceux qui sont pour les mines sont des citoyens. Les autres seraient d'autres citoyens ou des sous-citoyens, pour faire plus ou moins référence, encore une fois, à l'ancien président Alan Garcia, ou des citoyens de seconde catégorie. Il y a un sondage aussi qui est assez parlant, où l'activité minière est deux fois plus acceptée dans les classes hautes que dans les classes basses, et deux fois plus acceptée chez les populations urbaines que chez les populations rurales. C'est-à-dire qu'on est davantage en faveur de l'industrie minière, dans toutes ses formes, et avec toutes les conséquences économiques, etc., toutes les retombées, on est plus en faveur quand on est urbain et quand on a de l'argent que quand on est rural et quand on n'en a pas. C'était la fin de ma première partie. Mais c'est bien, parce que tu as déjà balayé quand même pas mal de terres. Et bon, peut-être, qu'est-ce qu'on fait? On peut... On pose des questions? Ouais, on peut ouvrir, voilà. C'est mieux. Oui, c'est bien. Je peux continuer en mode dans... Oui, bien sûr. Par rapport à la vision aussi du développement, il y a une... Donc du coup du développement, je ne parle pas que de l'extractivisme, mais il y a une publicité que j'ai vue et qui m'avait interpellé, qui m'avait fait sourire au Pérou il y a quelques années. C'est celle-ci du Banco de Crédit du Pérou. Le développement au Pérou, c'est le succès de tous les Péruviens. Quand je parlais de patriotisme, c'est vraiment ça. Il y a énormément de patriotisme dans la publicité au Pérou et je pense que dans d'autres pays d'Amérique latine aussi. Et cette publicité m'avait fait sourire parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont environnementalistes et qui critiquent à très juste titre le développement béton au Pérou comme dans d'autres pays, c'est-à-dire que dès qu'on voit un nouveau centre commercial à Lima, on dit que le Pérou va mieux, le développement avance, le Pérou avance, etc. Donc voilà un peu la vision, disons, ultra aménagée, ultra bétonisée, disons, du Pérou et du développement par un certain secteur, disons, de la population. Bon, ça c'était le. Je voulais vous montrer le projet de Las Bambas, la partie rouge. Donc du coup, on voit qu'elle empiète, disons, sur plusieurs communautés. Mais la communauté de Las Bambas, c'est celle qui a été la communauté de Fuerabamba. C'est celle qui a été déplacée en 2014 parce que c'était la seule qui comptait des maisons à l'endroit où l'entreprise devait s'installer. Dans le cas des autres communautés, le projet touchait juste des territoires où il n'y avait pas de maison et l'entreprise a simplement donné une compensation aux familles. Une compensation de 30 centimes par mètre carré. Et un des arguments aussi qui était que j'ai entendu sur place d'une personne qui était outrée et à juste titre et qui s'en voulait en fait d'avoir accepté ce projet, mais c'était des années plus tard, c'est ce qui arrive souvent. Elle disait pourquoi on ne nous paye pas au prix du mètre carré en Suisse, puisque l'entreprise qui a commencé à exploiter était Extrata, qui était un consortium anglais et suisse. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question par rapport parce qu'il n'est pas apparu dans votre présentation du conflit, c'est une croyance de communauté indigène sur la terre, la nature, etc. Est-ce que ça existe? De la façon dont vous avez posé les choses, j'ai l'impression que ce serait un peu minoritaire dans les conflits. Je suis étonnée. Ça existe, oui. J'en ai pas parlé parce que je suis pas très familier de ce genre de conflit. Parce que dans le cas de ce projet, moi j'ai travaillé essentiellement dans la communauté de Fuerabamba avant qu'elle soit déplacée. Et cette communauté, en gros, il y avait 80 familles avant que l'entreprise arrive. Et quand l'entreprise a commencé à s'installer, il y a une énorme migration de retour. Donc la population qui a réinvesti Fuerabamba étaient des personnes issues de Fuerabamba, mais qui avaient habité 5 ans, 10 ans, 20 ans dans des grandes villes comme Cusco, Lima. Donc moi, je n'ai pas eu ces discours-là, qu'on peut retrouver, par exemple, dans d'autres régions, à Cajamarca, à Cusco, ou dans d'autres communautés autour de Fuerabamba, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas eu ce genre de discours. Parce que c'est sûrement un discours qu'on utilise pour la lutte. Et là, c'est un projet qui a été accepté, où les gens, peut-être par un effet de... par le fait qu'ils étaient surtout des urbains, ils ont accepté de faire cette transaction, et ils ont accepté le projet, et ils sont revenus, en fait... pour des raisons économiques et pour avoir des bénéfices comme du travail, etc., ou des bourses pour leurs enfants. Et quelles sont les contreparties qu'ils ont vues des entreprises? Maintenant, c'est une entreprise chinoise. Oui. Le projet a commencé avec une entreprise suisse-anglaise, Extrata. Ensuite, ça c'était en 2004. En 2013, Extrata a été racheté par le plus gros trader mondial, qui est aussi suisse, qui est Glencore. Ils ont formé Glencore Xstrata. Et en 2015, juste avant la production, c'est une entreprise chinoise, enfin un consortium chinois et canadien qui ont acheté ce projet. Et pareil, dans cette transition de compagnie minière exploitante et occupante du coup d'un territoire, quand j'étais là-bas en 2000, juste avant que l'entreprise change pour la première fois, moi j'étais au courant que l'entreprise allait passer qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que je voyais les nouvelles, mais les personnes ne le savaient pas. Donc, est-ce que les promesses, justement, qui ont été données par la première entreprise, donc suisse et anglaise, oui, ont été tenues par les suivantes, est-ce qu'on sait bien, enfin, dans d'autres pays, souvent, quand le propriétaire change, ça, oui, ils ne se sent pas tenus des promesses faites par la première entreprise. Oui. Alors, est-ce que ça a été négocié pour les populations? Dans ce cas, ça a été négocié. Ça a été négocié par l'État, juste avant l'implantation initiale en 2004. Ça a été négocié par l'État parce que c'est l'État qui était propriétaire des concessions. Et il a voulu faire un gros coup avec ce projet en disant... Ça a été une mise aux enchères. L'entreprise qui allait offrir, disons, la plus grosse somme d'argent pour créer un fonds social, c'est-à-dire un fonds qui allait être redistribué aux alentours de la mine, l'entreprise celle qui allait mettre le plus d'argent allait être choisie. C'est Xstrata qui a été prise avec 40 millions de dollars. Donc, je ne me rappelle plus ce que tu disais. Donc, qu'est-ce qui a été obtenu? Qu'est-ce qui a été obtenu par les... juste pour rebondir sur ça, il y a eu un contrat qui a été signé en 2003, avant l'installation de l'entreprise et avant l'installation d'Xstrata. Et c'était un contrat qu'il fallait du coup imposer plus ou moins à l'entreprise qui allait proposer de l'argent pour qu'elle promette, disons, un certain nombre de points quant au développement, quant à des projets de développement local. Et sur ces projets de développement, il y avait des projets en santé, en éducation, la construction d'un centre technologique, disons, etc. Mais ce n'était pas un document qui était... qui avait un poids légal. Donc, il a été traîné avec la première transition d'entreprise et il est encore traîné actuellement et ça fait partie des demandes de l'actuel conflit. Mais ça ne fait pas partie des raisons du conflit, mais ça fait partie des... Une fois qu'il y a le conflit, on va revenir sur certaines clauses qui ont été signées et qui n'ont pas été respectées. Disons très très très très schématiquement que l'État est dans les villes et autour des villes. Donc quand la population rurale veut être vue par l'État, la meilleure solution c'est d'aller vers l'État, c'est-à-dire d'aller dans les villes, soit les petites villes de province, soit la capitale. Il y a énormément de solidarité. Par exemple, là, la population des alentours de Fuerabamba et des alentours du projet minier Las Bambas se sont rendus à Lima l'année dernière, il me semble, pour faire une grève de la faim. Et il y a eu des manifestations autour de cet événement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'associations de provinciaux, c'est-à-dire de personnes qui ont migré de la province vers la capitale. Et donc énormément des personnes qui vont manifester, ce sont des gens qui habitent en province et qui sont venus à la capitale, mais il y a aussi des gens d'origine provinciale mais qui habitent depuis longtemps à la capitale. Donc les manifestations se construisent par système de familiarité, disons, d'abord, et ensuite par des réseaux, des réseaux anti-miniers ou des réseaux environnementalistes, des jeunes étudiants. Moi, c'est simplement, est-ce qu'il y a des collusions d'intérêts entre le personnel étatique et les grandes entreprises? Oui. L'actuel président, Pedro Pablo Kuczynski, qui est connu pour être, il est connu de façon informelle pour avoir été un peu un loup à Wall Street, a des intérêts dans des entreprises minières ou liées à l'intérêt minier. Un des derniers conflits qui a été, le conflit qui a éclaté du coup dans le cadre de la Zwambas dernièrement. Il a été lié à la modification de certains points dans l'étude d'impact environnemental. L'une d'elles était que le minerai n'allait plus être acheminé en dehors du projet minier par un tuyau, un pipeline, mais il allait être acheminé par camion. Et ça, les personnes les voisins, disons, des routes par où passaient les camions, l'ont su a posteriori, et ça crée un conflit avec des morts qui a créé un engrenage. Et c'est à travers ça qu'on connaît Las Bambas. Et on a su que le président actuel était actionnaire de 40%, je crois, de cette entreprise de transport, de camions qui transporte les minerais. D'un sous-traitant. Sachant que les camions... Pour l'extraction, pour l'envoi de ce minerai, circule un nombre de plus de 250 par jour. 150 à l'aller, 150 au retour. Donc oui, je pense qu'il y a clairement, ça a été prouvé, et il y a énormément de spéculation aussi, mais ça a été prouvé que le secteur politique est lié au secteur minier, et le lobby minier, notamment dans une société... société qui s'appelle la Société Nationale Mines et Pétrole, des industries minières et pétrolières, ils ont une énorme influence dans le secteur minier, et ils ont une énorme influence aussi dans l'économie et dans la politique. Alors je poserai une question. On dit qu'au Brésil, Lula... quand il a fait une politique sociale, mais il l'a financée en faisant justement, en donnant des concessions sur l'environnement, en faisant en sorte que l'environnement puisse être accessible facilement pour l'agriculture, donc pour un extractivisme avec l'agriculture, avec la politique du soja, avec des mines, avec la déforestation, et donc un accès direct à ses ressources. Et comme s'il y avait eu avec mais sans faire de changement au niveau des structures et de la conception de la redistribution. Dans la mesure où on a un pays très riche en ressources naturelles, le Brésil, eh bien, on finance l'école, on finance la santé avec ses ressources, mais sans remettre en question du tout tout ce qui concerne la redistribution, la fiscalité, et donc ça permet aussi, il faudra voir si au Pérou c'est pareil, mais ça a permis au Brésil de financer un essor économique et puis également un essor économique, mais sans, on peut dire aussi, sans développement à long terme, puisque maintenant le Brésil est dans la difficulté. Parce qu'en fait, tout dépendait du prix de ces exportations et la demande chinoise. Or, on sait que maintenant la demande chinoise a baissé, les prix des matières premières baissent. Le Brésil est dans la difficulté parce qu'il est totalement dépendant de ses exportations. Et finalement, le point nodal, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme structurelle de fond faite par Lula. Et comme s'il y avait un deal, on pourrait dire, avec la classe dirigeante, bon, on veut bien de Lula et de cette politique de développement, mais on ne veut pas toucher à la politique, à l'organisation de l'État et de la redistribution. Est-ce qu'on peut dire qu'au Pérou, on a un peu la même chose ? Les constats, les derniers constats par rapport aux bénéfices pour le Pérou par rapport à l'industrie minière, est que l'industrie minière a très nettement enrichi le Pérou à court terme, donc il a créé énormément de devises. Ça a permis de redistribuer ces richesses dans les régions. Donc il y a tous les indices de pauvreté, d'extrême pauvreté, d'alphabétisme. Après, c'est aussi lié à la conjoncture. C'est pas que lié au bénéfice de l'industrie minière. Mais il y a eu une amélioration, disons, sociale au Pérou pendant ces 10 dernières années, disons. À l'échelle nationale, à l'échelle macroéconomique, à l'échelle microéconomique, on n'a pas encore de preuves, disons, que l'industrie minière apporte vraiment de réels bénéfices à la population locale, c'est-à-dire au niveau provincial et au niveau du district, et en dessous du district des communautés paysannes. Oui, on retrouve le schéma des la Sénat Sénat, c'est-à-dire la Latina de Gaïa. Oui. La richesse d'un pays enrichit des pays qui ne sont pas le pays d'origine de ces richesses. C'est vrai que hier aussi, j'avais entendu la référence de Galliano. Mais j'allais parler aussi de ça, de la... Bon, c'est un autre sujet, mais de la temporisation. De la temporisation, c'est-à-dire les entreprises, grosso modo, à l'échelle locale, quand elles s'installent, elles ne vont pas très vite avec les populations locales. Elles laissent traîner des projets. Elles donnent du travail pour faire patienter. Elles compensent également pour faire patienter. Mais d'un autre côté, il faut qu'elles aillent vite, parce que le temps, c'est de l'argent, la production, il faut pas être bloqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un blocage coûte excessivement cher. Donc il y a d'un côté cette temporisation des projets auprès de la population locale, cette traîne, disons, et ce besoin d'aller vite par ailleurs. Et je sais pas, j'ai l'impression... C'est une idée complètement folle, peut-être, mais cette... Justement, quand j'ai entendu ce commentaire hier, que Galeano, c'est quelqu'un qui avait un auteur qui a écrit un premier best-seller sur l'extractivisme, disons, et sur la... Enfin, c'est l'extractivisme, le proto-extractivisme, disons, l'extractivisme historique. Et en dénonçant toutes les mines et tous les problèmes sociaux et environnementaux qu'elles provoquaient et qu'elles ont provoqués aussi historiquement. Du coup, il disait, ça fait quand même, il a écrit en 70. Il s'est arrêté au moment où Allende prend le pouvoir. Oui, le livre. Oui, voilà. Donc, je crois qu'il disait, ça fait 30 ans ou ça fait 40 ans qu'on disait quelque chose et on dit la même chose encore maintenant. Mais je pense qu'il y a ça, enfin, c'est une idée très personnelle, mais je pense qu'il y a ça aussi, cette nonchalance par rapport à l'économie minière, en fait, cette non-volonté politique, enfin, ce désir clair de continuer sur cette politique continentale ou mondiale extractiviste, et puis pour certains secteurs des sociétés, quoi. Et pour une espèce de corporation, un corporatisme minier qui est assez fermé au final. et très puissant. On peut dire aussi que c'est la politique lancée par les USA justement avec Pinochet, c'est-à-dire détruire les possibilités pour les populations locales de maîtriser leurs richesses et mettre en place des élites qui sont au service des grandes transnationales, etc. Et pour le Chili, c'est ce qui s'est fait. On a mis en place un régime ultralibéral avec une chaîne. L'extraction et les concessions étaient ouvertes aux entreprises américaines et toute la protection étatique par rapport à ça a disparu. Donc on a là quand même une alliance entre les bourgeoisies compradors, comme on dit, et puis le capitalisme mondial. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à laisser les clés. Laisser les clés de l'État aux entreprises, enfin laisser, oui, les clés du pays aux entreprises. Au Pérou, il n'y a pas eu d'élection de président proche du peuple, comme ça s'est fait en Bolivie, par exemple, une certaine en Équateur aussi. C'était le président précédent, Ollantaytambo, qui était énormément craint par les classes moyennes hautes du Pérou, parce qu'il avait un historique nationaliste. Il a été élu notamment avec un discours par rapport aux mines, c'était un discours oui à l'eau et non aux mines qu'on connaît très bien avec le cas de Cajamarca dans le nord du Pérou. Et là, il est arrivé au pouvoir et il a retourné sa veste tout de suite en disant, en ressortant des arguments assez récurrents en politique. Le Pérou est un pays en développement. On a besoin de devises, on a besoin de gagner de l'argent. Il faut profiter de cette manne minière et de cet élan international pour améliorer les provinces, pour améliorer la pauvreté, etc. Au final, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, mais là, il y a une question. Par rapport à la question que vous avez posée, c'est proche du peuple. Oui. Et du coup, il n'a pas été spécialement proche du peuple. Au contraire, il a été pris comme un traître du peuple et des peuples, des régions qui étaient des régions minières, quoi, les plus affectées. Oui. On va prendre les dernières questions. Dans le titre, il y a intérêt général, donc on revient à intérêt général, sauf qu'on le voit néanmoins dans le communiqué, en fait, le communiqué, il est bien que vous montrez, il exprime un intérêt général qui serait supérieur, parce que celui du développement économique, et il me semble qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas non plus un spécialiste, c'est cette idée que l'ensemble du pays est concessionné, mais c'est le cas aussi au Mexique, c'est le cas en Colombie, en fait, ça c'est nouveau, je pense. C'est nouveau, vous pouvez vérifier, parce que les parties des concessions sont anciennes. Et donc, il y a une superposition qui est intéressante, que j'avais vue pour le cas de la Colombie ou du Mexique, qui est la superposition entre les espaces concessionnés et les espaces protégés. Oui. Au titre de l'environnement. Et donc là, on voit qu'il y a deux formes d'intérêt général, puisque le code minier au Pérou, comme en Bolivie, comme au Mexique, mais comme en France aussi, il est exorbitant d'une certaine façon du droit de l'environnement. C'est-à-dire qu'il s'impose au droit de l'environnement. Et c'est le cas, en France. Donc l'intérêt général serait que le communier et la mine incarnerait un intérêt général supérieur à celui des consommateurs. Et j'avais une autre question. On parle beaucoup au Pérou de la minière informelle, de la petite mine, en fait, des entrepreneurs qui ne sont pas forcément spécifiques d'ailleurs, mais qui sont nationaux et qui demandaient un statut spécifique au moment des dernières élections. Ils demandaient un statut spécifique. J'ai pas du tout suivi cette question de la minerie informelle, je vous avoue. Mais dans cette région, il n'y a pas de petite mine. Ah, si, à Purimac, si. Il y a de la minerie informelle. Mais ça n'a pas du tout l'ampleur qu'il y a, par exemple, dans les régions amazoniennes, à Cusco, enfin dans la partie amazonienne de la région de Cusco, et Madre de Dios, qui est la région amazonienne. Où vraiment il y a c'est là où il y a le plus de recherches sur le sur les orpailleurs. Et enfin, ce sont pas des petits producteurs miniers, quoi. C'est des énormes producteurs indépendants, disons. Mais j'en connais pas. Je sais pas plus sur la question. Et sur les espaces protégés, cette zone et les espaces protégés. Ici, non. Pas à Las Bambas. Pas à Las Bambas. À Purimac, je ne sais pas. Enfin, si, de toute façon, il y a des concessions sous des espaces protégés, mais après, je ne sais pas dans quel... je ne sais pas quel... Mais dans le cadre d'un sanctuaire dans la région de Cusco, il y a une concession, et quand les habitants ont appris que le terrain était concessionné, ils l'ont appris parce qu'une entreprise était venue justement commencer les pourparlers. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un conflit et que les gens se sont rendus à Cusco pour défendre cet espace sanctuarisé. Mais c'est aussi parce que c'est une région énormément touristique. Donc il y a aussi cet intérêt du tourisme qui joue au-dessus de l'intérêt minier. Oui, il me semble qu'en termes d'intérêt général, actuellement, on est dans un moment de bascule. Si le code minier a privilégié justement les intérêts des mines, maintenant avec la prise de conscience sur vraiment une biodiversité qui était en train d'être très lourdement, qui disparaît, donc on est dans une crise de la biodiversité extrême actuellement, hein, avec l'extinction d'espèces. Et également ces populations qui ont aussi une richesse culturelle également. Donc on est à se demander justement si on n'est pas dans ce moment de bascule où on prend conscience que où est l'intérêt général. L'intérêt général, il est peut-être à long terme aussi de penser une biodiversité dans le sens pour les générations futures, pour nous-mêmes, et également de voir tout ce capital que ça peut donner, aussi bien tout simplement au niveau pharmaceutique par exemple, également pour les paysages, pour la culture, et donc parce que l'extractivisme, ce qu'on voit peut-être là, c'est le début de la mine. Oui, oui. Hein, mais quand la mine par exemple de cuivre au Chili, mais c'est énorme, et les camions, on les voit tout petits au fond de la ville, alors que ce sont des camions énormes. Et donc, ce n'est plus le stade artisanal. On est dans un stade qui est... C'est pour ça qu'au début, je parlais de méga-projets, et donc vraiment dans un emballement de ces exploitations. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai débat sur qu'est-ce que l'intérêt général. Et je pense qu'on n'en parle pas maintenant quand on parlait il y a 30 ans, ou même il y a un siècle où le progrès, c'était la mine, c'était les grands chantiers, c'était les grands aménagements, les grands bouleversements, comme on a pu même transformer nos peuples, nos littorales, etc. Enfin, on n'est plus dans, enfin me semble-t-il. Hein. Bon, je m'arrête. Je vois que. Tu as raison. Bon. Alors, pour conclure. Pense qu'on avait une question. Ah. Je c'était ça la fin, en fait. C'était le conflit que j'évoquais tout à l'heure. Le conflit où la population de tout l'environnement du projet de Las Bambas s'est rendu compte, du coup, qu'il y avait eu ce changement de... cette modification d'un point dans l'étude d'impact environnemental, et c'est ça qui a provoqué un conflit, et le début d'un gros conflit, d'un méga conflit et d'une énorme médiatisation. Donc ça, c'était un projet qui avait été accepté. J'allais parler aussi, j'allais présenter un peu quelques paramètres qu'on peut prendre en compte pour comprendre pourquoi et comment le projet avait été accepté. notamment la pauvreté de la région, l'absence de l'absence d'industrie, disons, ou de d'agriculture, ou d'activité touristique, entre autres. Enfin voilà, il y avait un ensemble de conjonctures de points qui ont fait que la population a accepté. Donc c'était intéressant de voir pourquoi maintenant il y avait un conflit qui n'est pas une opposition. La population revendique, disons, le fait que c'est pas du tout une opposition. Ils revendiquent leurs droits. Ils demandent à l'entreprise de régulariser, disons, certaines demandes qui n'ont pas été honorées, qui n'ont pas été respectées, mais ils ne s'opposent pas au projet. Donc, à voir comment la situation évolue. Et voilà. Je vous laisserai sur le doute de... Est-ce que c'est une malédiction ou pas ? Merci en tout cas de m'avoir écouté. Bon, merci Bruno.